né à Paris, mais je supporte l'OM. Y'a des thunes dans ma ville, mais je mène la vie de bohème. Enfant turbulent, adolescent à problème. Et pourtant, j'ai été éduqué par des sages poètes. Mon album est une bombe, mais je cautionne pas les terroristes. Toujours sur la défensive, bizarre pour un numéro 10. Je vais péter millions, mais je m'élève à pas d'heure. Je n'aime pas les flics, mais j'investirais bien dans un taser. Fils d'ouvrier, mais je n'aime pas bricoler. Fils de Congolais, mais je n'ai jamais picolé. J'aime pas les gens qui parlent, logiquement je devrais pas m'aimer. Je veux tellement faire les choses tout seul que des fois je ne veux pas m'aider. Tout le monde part sur tout le monde, l'important c'est d'assumer. Je n'entends pas ce qui se dit sur moi, je suis à bord de ma fusée. Je n'aime pas les pétasses, mais je souhaite avoir une fille. Je te coupe la queue si tu t'en approches trop, je souhaite avoir une scie. J'suis en contradiction avec moi-même, je gratte mes textes dans les toilettes. Pourtant je n'écris pas de merde, je cherche à percer, mais j'emmerde le rap. Je n'ai pas de bling bling, mais je veux être la perle rare. J'suis en contradiction avec moi-même, je gratte mes textes dans les toilettes. Pourtant je n'écris pas de merde, je cherche à percer, mais j'emmerde le rap. Je n'ai pas de bling bling, mais je veux être la perle rare. Hein. Je veux ma liberté, mais je suis casanier. On traîne dans les coins sales, ça fait de la marque au damier. J'aime danser, mais je n'aime pas les boîtes de nuit. J'aime chanter, mais je n'aime pas la Star Academy. Je n'aime pas le cambouis, mais je roule des mécaniques. J'aime quand c'est bon, mais je la couvre quand je la sors ma bite. Fier de mon quartier, mais je veux pas que mes enfants y grandissent. Je veux leur donner la même vie qu'au pays de Candy. Je rêve de voler de mes propres ailes, mais je tiens trop à ma vie, je veux pas monter au ciel. Je n'aime pas les poucaves, mais je porte des New Balance. J'aime bien les coups de chatte, mais je ne crois pas en la chance. Je suis un pro black, mais je vis avec une blanche. Je parle de retour au bled, mais j'investis mes thunes en France. Je veux perdre du poids, mais je bouffe des grecs frites à l'article de la mort. Je prends pas les médocs qu'on me prescrit. Je suis en contradiction avec moi-même, je gratte mes textes dans les toilettes. Pourtant je n'écris pas de merde, je cherche à percer, mais j'emmerde le rap. Je n'ai pas de bling bling, mais je veux être la perle rare. J'suis en contradiction avec moi-même, je gratte mes textes dans les toilettes. Pourtant je n'écris pas de merde, je cherche à percer, mais j'emmerde le rap. Je n'ai pas de bling bling, mais je veux être la perle rare. Je veux pas aller en enfer, mais je passe mes vacances près du soleil. J'ai le mal de l'air, alors pourquoi je vise les sommets? Je suis allergique à la carotte, mais je veux qu'on passe au Skyrock. Je mets pas les thunes dans mon disque pour faire kiffer la daronne. Rappeur indépendant, mais des fois je crie à l'aile. Je me fous du buzz, soi-disant, mais je veux faire les mêmes ventes qu'Adèle. J'ai rêvé de prendre le large, mais je suis passé au médium. Je veux plus bosser pour un patron, mais pour qui je fais le job? Je suis en contradiction avec moi-même, je gratte mes textes dans mes toilettes. Pourtant je n'écris pas de merde, je cherche à percer, mais j'emmerde le rap. Je n'ai pas de bling bling, mais je veux être la perle rare. J'suis en contradiction avec moi-même, je gratte mes textes dans mes toilettes. Pourtant je n'écris pas de merde, je cherche à percer, mais j'emmerde le rap. Je n'ai pas de bling bling, mais je veux être la perle rare.